Je vous explique quelques petites choses pour bien comprendre. Donc, c'est le Bandung du Nord vers une internationale décoloniale. Ça s'appelle comme ça. C'était 3 jours au mois de décembre, vendredi, samedi, dimanche, avec plein de monde réunis. Il y en a un paquet de gens. Et c'était la deuxième édition. La première, ça s'est déroulé en 2018 et c'était à Paris, avec plein de monde aussi, vendredi, samedi, dimanche. Et entre autres, Angela Davis était présente. Donc voilà, ça c'est l'idée de départ pour bien comprendre dans quoi on arrive. Et je vous explique le Bandung du Nord que Mourad Regif a expliqué un peu plus tard, mais qu'on n'entend pas dans l'audio là. Et donc je l'ai réécrite et je vous l'ai dit là. L'appellation, donc Bandung du Nord, l'appellation vient d'une réunion internationale qui a eu lieu au milieu des années 50, avril 1955. À Bandung, en Indonésie, et qui était une réunion de pays soit fraîchement colonisés, soit encore colonisés, et en voie de décolonisation, toujours formelle, et qui sortait de l'axe Est-Ouest créé par le Nord entre le bloc communiste et le bloc capitaliste occidental. Ce mouvement s'appelait le mouvement des non-alignés. Le but était de se réunir entre gens du Sud et de construire une vision du monde et un discours qui ne soit pas aligné sur le discours Est-Ouest et qui renforce et permet aux pays du Sud d'être plus indépendants et plus forts politiquement. L'idée du premier Bandung du Nord, donc à Paris, là, je vous expliquais, que l'on continue aujourd'hui, ce sont surtout, comme vous le voyez, des gens du Sud qui font un Bandung entre eux, mais dans un pays du Nord, avec la même idée de créer des alliances. Voilà, ça c'est dit. Alors toujours par les organisateurs, je vous explique un peu le contenu, le fait que ces gens se réunissent, sur quoi ils vont causer, réfléchir. Ça dit ceci, donc la guerre est devenue omniprésente et la paix un court intermède pour la majorité des gens dans le monde. Nous comprenons la guerre non seulement comme ce que font les armées avec des tanks, des bombes et des fusils, des viols, la torture et la dévastation, ou l'état de guerre produit par l'impérialisme et l'occupation, mais aussi la guerre quotidienne menée contre les peuples noirs, indigènes et racialisés, la guerre contre les femmes et la guerre contre l'environnement. Nous voyons que ces guerres utilisent des armes différentes qui entraînent toute la mort et la destruction et se connectent les unes aux autres pour produire un état de plus grande détresse et plus de vulnérabilité pour les milliards de personnes. Je vous donne les noms, prénoms des interventions qu'on va entendre, mais ça va se dérouler en plusieurs parties, quoi. Hein. Et donc, pour le samedi, c'était guerre permanente, avec, excusez-moi déjà à l'avance, hein, pour la prononciation, avec Souheila Amri, guerre aux musulmans. Mohamed Amer Medzian, guerre idéologique. Laetitia Asmien, guerre aux sans-papiers migrants. Véronique Klett Kakouba, guerre aux noirs. Olivier Marbeuf, guerre à l'antiracisme politique. Luis Martinez Andrade, guerre à la nature. Ramon Grossfogel, guerre à la vie. Mouad Regif, guerre aux arabes. Michel Siboni, guerre aux palestiniens. Françoise Vergès, guerre aux femmes. Voilà, ça se déroule en 2 parties. J'ai cité tout le monde. Et il y a aussi Milady Renoir qui fait la présentation, les transitions, et qui lit quelques poèmes. Micro ouvert. J'ai choisi pour vous un texte du poète Nicolas Guillen, qui m'a été proposé par l'ami Soledad Calça, qui n'est pas encore là, ou qui sera bientôt là. Le poète anti-impérialiste voit le jour l'année de l'adoption de l'amendement Platt. Je dois recommencer ou pas? Non. Vous êtes prêts? J'ai l'impression que c'est ça, hein, ouais. Oui, simple. C'est comme hier soir, le film a commencé 2 fois. Comment s'appelle le... Là, il n'y a rien. J'ai choisi pour vous un texte du poète Nicolas Guillen, que vous prononcez sûrement très mal, qui m'a été donc proposé par une amie, Soledad Calça, qui sera plus tard là, une chanteuse intéressante à écouter bientôt. Le poète anti-impérialiste voit le jour l'année de l'adoption de l'amendement Platt qui autorise les États-Unis à intervenir militairement à Cuba en cas de menace aux intérêts et aux biens américains. Nicolas Cristobal Guillén Batista, né en 1902, est un journaliste, homme politique, considéré comme le poète national de Cuba. Et donc j'ai été aidée à choisir un texte qui s'appelle « Soldats en Abyssinie », chant pour les soldats en 1937. Mussolini, sur le poing, le menton, sur la table, l'Afrique en croix, veine ouverte. L'Afrique vert foncé et azuré de géographie et de cartes. Le doigt, fils de César, s'enfonce dans le continent. Muettes sont les eaux de papier, et muets les déserts de papier, muettes les villes de papier. La froide carte de papier avec le doigt, fils de César, et son ongle sanglant déjà cloué sur l'Abyssinie de papier. Pirate de tous les démons, Mussolini, le masque dur, la main si longue. Et l'Abyssinie se hérisse, arque le dos, elle crie, elle rage, elle proteste, il duce ! Des soldats, la guerre, des bateaux. Mussolini, dans une auto, fait son petit tour matinal. Mussolini, sur son cheval, assouplissement vespéral. Mussolini, dans un avion, voyage d'une ville à l'autre. Mussolini, sortant du bain, frais et bien propre, vertigineux. Mussolini, content et sérieux. Ah oui, mais les soldats, eux, vont tomber et culbuter. Les soldats ne seront pas le voyage sur une carte, mais sur le sol d'Afrique, sous le soleil d'Afrique. Ils n'y trouveront pas de villes de papier, les villes seront un peu plus que ces endroits qui parlent avec de douces et vertes voix topographiques. Fourmilières de balles, quintes de mitrailleuses, plantations de lances. Et alors les soldats, eux qui n'auront pas voyagé sur une carte, les soldats, loin de Mussolini, seuls, les soldats se feront corps en feu dans le désert, et beaucoup plus petits, bien entendu. Les soldats au soleil, lentement, lentement, lentement, se racorniront. Et les soldats restitués, les soldats parmi les fientes des vautours. Merci beaucoup pour ce point. Ok, je vais essayer d'être bref, mais comme vous savez, le français, ce n'est pas mon truc. Donc, je vais essayer de simplifier pour faire une intervention de 10 minutes. La intervention que je voudrais faire, c'est de comprendre la différence entre la gauche blanche européenne et la perspective décoloniale. Il y a beaucoup de différences, mais je vais enfatiser deux choses. La première chose, c'est que dans la perspective de la gauche blanche européenne, les problèmes du monde sont un problème d'un système économique, dans lequel il y a un système économique d'exploitation, capitaliste global, et si on solutionnait ça, si on détruit le système capitaliste, tous les autres problèmes vont être automatiquement ou presque automatiquement être solutionnés. Okay? Je simplifie beaucoup ici, pour raison de temps, mais la causalité du problème de mots dans la gauche blanche, c'est un problème d'un système économique d'exploitation. Ça, c'est vrai, écoute, je suis très critique du système capitaliste, mais il y a un problème avec cette formulation. Et ça, c'est que dans la perspective décoloniale, on comprenait la situation du monde comme un problème civilisationnel. C'est pas seulement un problème économique, c'est une civilisation, la modernité occidentale, que à travers de l'expansion coloniale européenne, il s'est déplacé par tout le monde. Il détruit toutes les civilisations qui sont confrontées dans le monde avec l'expansion coloniale. Ils sont détruits tout et sont imposés, sont civilisations à tout le monde. Donc, on est aujourd'hui dans une civilisation planétaire, après 105, plus de 105 années, de 100 siècles d'expansion coloniale européenne. Aujourd'hui, on est tous à l'intérieur de la civilisation moderne occidentale. Et l'expansion coloniale a été centrale pour cette globalisation de la civilisation moderne occidentale. C'est à travers de l'expansion coloniale que les Européens, ils ont réussi à détruire toutes les autres civilisations existantes et ils ont imposé son propre civilisation par tout le monde. La civilisation moderne occidentale a beaucoup de hiérarchie de pouvoir. Ce n'est pas seulement l'économie capitaliste, c'est aussi de hiérarchie raciale, c'est aussi de hiérarchie impérialiste d'État, c'est aussi de hiérarchie patriarcale dans tous les planètes. Ils sont globalisés les structures de domination de l'Europe, qui existe à l'Europe avant l'expansion coloniale européenne, par tous les planètes. Bon. Et ils ont détruit toutes les autres civilisations, toutes les autres façons d'être et de vécu dans le monde. Donc, ils ont détruit des autres alternatives de vivre. No? Cette civilisation, l'expansion de cette civilisation produit le système capitaliste mondial. Après la colonisation des Amériques dans le 16e siècle, ils ont développé le marché capitaliste mondial. Mais ce marché capitaliste, depuis le début de la création de ce système capitaliste mondial dans le 16e siècle jusqu'à aujourd'hui, il est mélangé, imbriqué avec des hiérarchies de domination civilisationnelle de ce système. Par exemple, la hiérarchie raciale, par exemple. C'est un principe organisatrice de la division internationale du travail, de l'accumulation de capital à échelle globale, mondiale. On ne peut pas penser le système capitaliste comme si le système capitaliste est une économie isolée de la civilisation moderne occidentale. Si le capitalisme est génocidaire, le capitalisme historique, c'est parce qu'il est organisé avec la logique raciste de la modernité occidentale. Donc, il a une logique génocidaire, de génocide. Si le capitalisme est écologicide, c'est parce qu'il a il organise l'économie et la technologie avec la cosmovision, la cosmologie dualiste cartésienne de la modernité occidentale. Si le capitalisme est féminicide, c'est parce qu'il est organisé depuis le début avec la logique patriarcal de la cristianité de la modernité occidentale. Si le capitalisme est épistémicide, c'est parce qu'il est organisé avec la logique eurocentrique de la modernité occidentale. Donc le capitalisme, c'est l'économie d'une civilisation. C'est l'économie d'une civilisation. Ce n'est pas quelque chose dehors ou quelque chose isolé de la logique de la modernité occidentale. La modernité occidentale, c'est une civilisation de mort. Parce qu'il a détruit des milliers d'êtres humains, mais il a détruit aussi la vie dans le planète. Donc, on est dans une civilisation de mort. Cette civilisation a mis en question la survivance. Estoy hablando bien, el proceso. La survivance de la survivance de la vie. No? Il met en question. On ne sait pas combien de temps la vie va continuer dans le planète À cause d'une civilisation de mort comme la modernité occidentale. Et donc, cette civilisation, on est maintenant dans une situation dans laquelle si on ne nettoie pas cette civilisation et construit une nouvelle civilisation, et nous allons tuer à nous-mêmes. Non? Et nous allons tuer. Donc, on est dans une impasse maintenant. Et il faut être clair que ce n'est pas suffit de lutter contre le capitalisme. Ça, c'est une différence entre nous et la gauche blanche. Ce n'est pas suffit parce qu'on a vu ce qui est passé avec le projet socialiste du 20e siècle. Ils ont pensé que si on superait le capitalisme, on va superer tous les problèmes de l'humanité. Et on a vu qu'est-ce qui est passé dans le 20e siècle. C'est qu'ils ont lutté contre le système capitaliste, mais ils ont perdu de vue que le capitalisme est organisé avec des logiques civilisationnelles de la modernité occidentale. Donc, si vous luttez contre le capitalisme sans lutter contre les logiques qui l'organisent, vous allez reproduire tout contre lesquels vous êtes en train de lutter. Ça veut dire, si je m'organise contre le capitalisme de façon raciste, si je m'organise contre le capitalisme de façon dualiste cartésienne, si je m'organise contre le capitalisme de façon eurocentrique, si je m'organise contre le capitalisme de façon patriarcal, si je m'organise contre le capitalisme dans la reproduction de la logique de la modernité occidentale, je jamais arrivé à détruire le système capitaliste. Et c'est ça un problème de le projet socialiste du 20e siècle, que ne sont pas réussi à détruire le système capitaliste, parce qu'ils ont pensé le capitalisme comme un système économique dehors d'un système civilisationnel. Et donc, ils ont reproduit toutes les logiques de domination de la modernité occidentale, et donc, ils ont fracassé. Ils ont échoué. De détruire le système capitaliste. Ils ont reproduit un capitalisme d'État ou de choses comme ça. Ils ne sont pas réussis à dépasser le capitalisme parce qu'ils ont reproduit toutes les logiques qui organisent le capitalisme. Je ne sais pas si, mais ça c'est le tournant décolonial, c'est de comprendre qu'on n'est pas dans un système économique, on est dans un système global civilisationnel. Que c'est la modernité occidentale et le capitalisme, c'est le système économique de cette civilisation. C'est ça la perspective décoloniale pour rapport à ça. Et donc, il y a des conséquences politiques à ça. Et ça veut dire que si on veut se passer le système dans lequel on est, on habite aujourd'hui, si on va à surpasser le problème de la modernité occidentale, il faut qu'on lutte contre le racisme, il faut qu'on lutte contre l'eurocentrisme, il faut qu'on lutte contre la perspective dualiste cartésienne, que c'est écologicide. Parce que la perspective dualiste cartésienne divise la vie entre la vie humaine et les autres vies, comme si c'est une idée stupide parce qu'ils sont divisés la vie humaine des autres façons de vivre de la nature, comme s'ils sont ontologiquement séparés. Non? Ça, c'est une idée stupide, parce que ça n'existe pas avant la modernité occidentale. Toutes les autres civilisations, même avec toutes les critiques qu'on peut faire, même avec toutes les différences entre toutes les civilisations qui existent pour milliers d'années, il y a une chose commune, c'est qu'ils sont une vision holistique entre la vie humaine et les autres façons de vivre. Donc, la rationalité pour produire des technologies a déjà la rationalité de la reproduction de la vie. Parce qu'ils ont compris comme sens commun que si vous détruisez les choses autour de vous, vous allez détruire soi-même. Non? Vous allez détruire la vie. Mais dans la modernité occidentale, ils ont divisé ça dans le dualisme cartésien de la vie humaine et les autres façons de vivre, comme si sont ontologiquement dualistes et séparés. Et donc, ils ont pensé de façon stupide que la vie humaine va continuer même si vous détruisez tout ce qui est autour de vous. Parce qu'ils sont conçus que la vie humaine est isolée de les autres façons de vivre autour. Donc, ça c'est un problème dans lequel il faut décoloniser ça, il faut commencer à avoir des visions holistiques pour la production de technologie. On a 400 ans de production de technologie avec la cosmologie dualiste cartésienne. Et ça c'est très destructif de la vie, on a vu ça déjà, parce que la rationalité de la dualisme cartésien c'est une rationalité de mort, parce que toute la technologie que vous produisez avec cette cosmologie, il n'y a pas l'idée de la reproduction de la vie, il y a toujours l'idée de que la vie humaine se va continuer même si vous détruisez tout autour de vous. Ça c'est une idée très stupide, mais c'est ça con l'idée que a que c'est hégémonique aujourd'hui de la production de technologie dans le monde. Et donc, on continue à faire ça. Il faut décoloniser de tout ça pour pouvoir dépasser non seulement le système capitaliste, mais la modernité occidentale comme civilisation de mort. Et donc, c'est ça que... Je ne sais pas combien de temps C'est déjà dépassé, donc je vais arrêter ici. Merci beaucoup. Et donc, évidemment, c'est une entrée en plus. Donc, Ramon, tu essuies les plâtres aussi, c'est-à-dire que tu dois dire à la fois ce que tu dois dire et puis ensuite c'est l'introduction. Donc, on se rappelle que tu seras cet après-midi assis autour et que la parole pourra être redynamisée, réorganisée avec d'autres personnes aussi. Donc, voilà, tu vois. Louis, ça va ? Alors, on parlait de mort et de destruction, et donc ton intervention pour laquelle tu as été mandaté, entre guillemets, c'est guerre à la nature. Et donc, je joue le même rôle, entre guillemets, que tout à l'heure, à la fois tu as une lutte, et en plus, je te présente avec un texte que tu n'as pas choisi. Voilà, et c'est un texte du sous-commandant insurgé Marcos, un des principaux dirigeants et porte-parole de l'armée zapatiste de libération nationale, ZLN. Ce texte a été écrit en 94, à l'époque, il était encore commandanté. Et je ne sais pas si vous connaissez, c'est une traduction évidemment de l'espagnol. Tout le site de ZLN publie tous leurs textes dans au moins une dizaine de langues. Et donc vous pouvez même aller piocher les textes dans la langue, en pashtoun si vous voulez, c'est tout à fait disponible. Je commence. Ceux qui auparavant travaillaient la terre et vivaient, déjà convertis en serviteurs et esclaves du Tout-Puissant dans les sols et les cieux de leurs ancêtres, verront les malheurs venir avec eux. Leurs filles et leurs fils seront perdus, noyés dans la pourriture de la corruption et du crime. Le droit du Seigneur avec lequel l'argent tue l'innocence et l'amour reviendra. Et les jeunes seront arrachés des genoux de leur mère et leur nouvelle chair sera prise par les grands seigneurs pour satisfaire leur bassesse et leur méchanceté. À cause de l'argent, le fils lèvera la main contre ses parents et le deuil habillera leur maison. La fille sera perdue dans l'obscurité ou dans la mort, sa vie et sa mort par les seigneurs et leur argent. Des maladies inconnues s'attaqueront à ceux qui ont vendu leur dignité et celle de leurs proches pour quelques sous ceux qui ont trahi leur race. La mère, Cheba, j'imagine que je prononce la mère. Le soutien des mondes criera si fort que même la surdité la plus lointaine entendra son cri blessé. Et les sept voix lointaines s'approcheront de lui, et les sept bras lointains vous embrasseront, et sept points différents le rejoindront. La Cheba Madre lèvera alors ses naguas et ses mille pieds, botteront et délogeront les routes de fer. Les machines à roues sortiront de leurs chenilles métalliques. Les eaux déborderont des rivières et des lagunes, et la mer elle-même rugira de fureur. Alors les entrailles des sols et des cieux s'ouvriront dans tous les mondes. Alors la route, la toute première, ne sera pas identique. La toute première, la mère terre, se lèvera et revendiquera sa demeure et sa place avec le feu. Et au-dessus des fiers édifices du pouvoir, des arbres, des plantes et des animaux s'avanceront. Et avec leur cœur, Votan Zapata revivra, gardien à cœur du peuple. Et le jaguar arpentera à nouveau ses routes et forêts ancestrales, régnant à nouveau là où l'argent et ses laquais voulaient régner. bonjour à tous et à tous. Je voudrais rebondir un peu avec ça que Ramon Grosso a dit tout à l'heure. Je suis complètement d'accord avec tout ce qu'il a dit. Tout simplement, je vais essayer de nuancer un peu cette question de la guerre contre la nature à la lumière des expériences latino-américaines. Pourquoi? Bon, rappelez-vous que Karl Marx, dans Le Capital, avait dit, dans le chapitre 23-24, sur la originaire accumulation du capital, que quelquefois les marxistes oublient et que quelquefois certains des coloniaux ne disent pas. Ils disent qu'il faut se rappeler qu'au XVIe siècle, la biographie moderne du capital, il parle de la biographie moderne du capital, commence, bien sûr, avec l'arrachement de terre et la traite négrière. En Amérique latine et au Caribe, à partir du XVIe siècle, on assiste à trois phénomènes qui continuent jusqu'à aujourd'hui, que c'est d'abord l'arrachement de terre des indigènes. C'est la lutte qu'on a, pas seulement au Mexique, en Colombie, au Brésil, avec le mouvement des sans-terre, des droits à la terre. Donc, depuis le XVIe siècle, avec la civilisation de la mort, parce que la modernité, c'est, comme Ramon avait tout à fait dit, c'est un système féminicide, patriarcal, mais aussi écocide. Un deuxième élément important au XVIe siècle, c'est l'exploitation minière. Rappelez-vous que c'est justement à cause du vol des matières premières, de l'or, de l'argent. Bon, comment est-ce que la Belgique a fait, pas seulement la Belgique, la France a pu voler tout cet argent pour après faire l'essor de la révolution industrielle au XIXe siècle. Les exploitations minières continuent jusqu'à aujourd'hui. Au Mexique, par exemple, avec ce gouvernement qu'on appelle progressiste, on a les 50% du territoire mexicain concessionné aux exploitations minières. Un troisième aspect, c'est la question des monocultives. Les monocultives, comme vous savez, que c'est lié à l'exploitation raciale du travail, est aussi une cause importante de la destruction des ressources naturelles, depuis le Brésil jusqu'à le Mexique. Donc ces trois éléments qui ont justement contribuer à la naissance de la modernité et à l'expansion du capitalisme, comme la première biographie, avant d'être le capitalisme industriel, continue jusqu'à aujourd'hui d'être en vigueur. C'est pour cela que les luttes zapatistes, mais les luttes paysans, indigènes, qui ne sont pas seulement de ce siècle, si on voit l'histoire de l'Amérique latine, on voit que depuis le 16e siècle, les communautés indigènes, formés surtout avec des femmes aussi, luttent contre ces systèmes coloniaux, mais aussi capitalistes. Et depuis les indépendances, par exemple, il faut se rappeler qu'en Bolivie, avec Tupac Katari, il avait aussi Bartolina Sisa, que l'histoire latino-américaine de quelquefois oublie, ou Colombie également. On a entendu tout à l'heure un poème du sous-commandant Marcos de l'armée zapatiste, les Panthers de Bruxelles a accueilli les zapatistes il y a quelques mois. Et on se rappelle justement que les zapatistes, on a souligné aussi le rôle des femmes dans les luttes, de la communauté zapatiste. Il faut se rappeler au rôle, parce que des fois on pense seulement au sous-commandant Marcos, mais on oublie qu'il avait la commandante Esther, la commandante Ramona, et que l'armée zapatiste est un des premiers mouvements révolutionnaires qui a constitué la loi de la femme révolutionnaire, quelque chose inouï dans l'histoire de guerrillas en Amérique latine. Et justement, avec cette question de l'armée, de la lutte du zapatiste, je voudrais lire cette phrase. Il faut aussi rappeler que ici en Europe, vous savez aussi une tradition de penseurs aussi radicale comme certains coloniaux, je pense, bien évidemment à Walter Benjamin, qui disait que la modernité, il a justement déclôturé cette vision du capitalisme simplement en disant que la modernité, c'est l'époque de l'inferno. Benjamin avait défini la modernité justement comme une civilisation de la mort. Et bon, En 2012, lors de la consultation nationale menée dans le Cauca, Colombie, auprès des peuples autochtones pour défendre la terre-mère, les indigènes ont rebaptisé la concession minière comme la locomotive de la mort, le train de la muerte, ou la locomotora de la muerte. Cette image dialectique, au sens benjaminien du terme, tire la sonnette d'alarme, car la locomotive, la idéologie du progrès, est en train de se diriger vers la catastrophe. Rappelons que si pour Marx, les révolutions sont les locomotives de l'histoire, pour Walter Benjamin, il se peut qu'elles soient l'acte pour laquelle l'humanité qui voyage dans les trains tire les freins d'urgence. Au-delà des mythes d'origine, ces peuples sont en train d'actionner les freins d'urgence d'une locomotive qui, fière de sa technologie et obnubilée pour Mammon, se dirige vers l'abîme. À contre-courant de la pensée dominante, dans les montagnes du sud-est mexicain, les indigènes du mouvement zapatiste continuent à lutter pour un monde plus humain et pour une société démocratique. Depuis 1994, ce mouvement ne cesse d'ouvrir de nouvelles brèches dans les manières de comprendre la politique. Ces indigènes cagoulés donnent une leçon de dignité dans une société aliénée où les marchandises trônent et où la politique prend des allures de reality show. En ce sens, en ce qui concerne la locomotive, ces indigènes soutiennent, je cite, « Si quelqu'un nous demande pourquoi nous ne montons pas au bord de ce train, nous lui répondons, parce que les stations suivantes sont décadence, guerre, destruction, et la destination finale est catastrophe. La bonne question n'est pas pourquoi nous ne montons pas, mais pourquoi vous ne descendez pas. » Je pense que justement, cette leçon du mouvement zapatiste qui s'oppose à un train, au train maya, qui c'est un projet lié au capitalisme et aussi colonial, je pense qu'ils continuent à attirer notre attention pour cette lutte, qui justement, c'est une lutte pas seulement pour les communautés, mais aussi pour la planète. Dans les années 70, en Amérique, au Mexique, surtout dans l'état de Guerrero, on avait une armée aussi commandée pour une ancienne enseignante qui disait « Notre lutte, ce n'est pas seulement pour que les paysans puissent avoir l'accès à la terre. Notre lutte, c'est aussi pour la rivière, parce que la rivière est contaminée pour justement toute la pollution faite pour des entreprises capitalistes. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de luttes, je suis certain que beaucoup de luttes en Amérique latine, même s'ils ne se disent pas, ils n'ont pas les labels d'écologistes, la dimension écologique est présente. Donc, merci. Michel, tu m'as envoyé hier soir un texte et donc je vais lire, je vais dire qui est DAM, le groupe que tu m'as envoyé. Donc DAM, c'est un acronyme pour Da Arabian MCs. C'est un des premiers groupes de hip-hop palestinien. En 2001, alors qu'il ne possède pas encore de réel contrat avec une maison de disques, le single Min Irabi, qui est le terroriste, est téléchargé plus d'un million de fois depuis leur site web. Un de leurs singles, en 2018, est en hébreu. Ils espèrent ainsi apporter le message palestinien au public israélien. Ouvrez les guillemets, les Arabes savent déjà comment ils vivent. Nous devons maintenant informer les Israéliens sur ce qui se passe. Et donc je vais lire le texte avec beaucoup moins d'énergie que le clip, quoique. Des milliards de dollars, ils dépensent des milliards de dollars juste pour nous garder séparés. Ils dépensent des milliards de dollars pour nous garder séparés. La chanson de Min Irabi nous a coûté quelques sous et ils le chantent à Lyd, Damas et dans le camp de réfugiés d'Aïn El-Houli. Ils dépensent des milliards de dollars juste pour nous garder séparés. Ils dépensent des milliards de dollars juste pour nous garder séparés. Personne n'est apprécié dans sa vie. Tu veux résister, tu seras condamné. Vous serez accueilli avec des tomates et pas un Grammy. Je suis un citoyen impuissant, je chante devant une salle vide. Les prêts à la banque sont l'opium du peuple. Payer mes dettes ou combattre le système. Pas de visa pour cette ville, personne ne se soucie de cette ville. Gelée comme l'hiver, alors qui va nettoyer la ville? Renouveler la ville, mettre à jour la ville, briser les tabous et ne pas se sentir désolé pour la ville. Dénude la ville, le printemps arrive, alors laisse le soleil entrer dans la ville. Abou Trika est interdit, Ashraf Fayad est flagellé. Alors s'il vous plaît, dites-moi qui va nettoyer la ville. Ils dépensent des milliards de dollars juste pour nous garder séparés. Ils dépensent des milliards de dollars pour nous garder séparés. La chanson de Men Erabi nous a coûté quelques sous et le chante encore à Damas. Ah, il était dans le camp de réfugiés. Imagine qu'il n'y a pas de paradis, qu'il n'y a pas de pays, qu'il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de possession, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de blabla. Moi, je suis tranquille comme le soufi et le bouddhiste, mais je ne suis pas masochiste. Ils en ont tué 100 en un mois. Putain de yoga, je crie pour mes droits. Imagine que j'ai une armée. Imagine que mon visage est sur des billets de banque. Imagine que je porte une tenue traditionnelle faite par moi et non par Gucci. On a bâti Nawal de la ville, on a projeté Wonder Woman dans la ville. Tu vois un peu l'hypocrisie ou pas? La ville est en faillite. N'adore pas la ville, n'insulte pas la ville, ouvre les fenêtres, nettoie la ville, décore la ville. Le printemps arrive, alors visite la ville. Boukoltoum est parti, les penseurs sont partis. Alors, s'il te plaît, dis-moi, qui va nettoyer la ville? La chanson de Minarabi nous a coûté quelques sous. Il le chante à Lid, Damas et dans le camp de réfugiés d'Enaliwe. Il dépense des milliards de dollars juste pour nous garder séparés. Merci d'être là. Et merci aux Panthères bruxelloises de nous avoir invités. Je vais vous parler de la question de la Palestine et de son lien avec l'impérialisme occidental. Un lien qui n'est plus à démontrer. Depuis la Première Guerre mondiale et la déclaration Balfour, nous le connaissons, comme nous connaissons l'alliance Israël-États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et nous connaissons aussi, et nous en voyons tous les effets tous les jours, la plus récente alliance renforcée avec l'Union européenne, depuis le tournant néolibéral de l'Europe occidentale. Un tournant que nous subissons dans nos sociétés, dans les sociétés où nous vivons aujourd'hui. L'impunité acquise qui autorise la poursuite de la conquête en Palestine, avec son cortège de morts quotidiennes dans les territoires occupés, les violations innombrables de droits humains et de conventions internationales... Ça va, là ? Oui, je vais vous dire. Ça marche. Le régime d'apartheid qui s'installe sur tout le territoire, le choix montant de Jérusalem pour capitale d'Israël, accompagné de la montée des régimes autoritaires en Europe, tout ça c'est le tournant néolibéral. J'essaierai ici de poser juste quelques points sur la nature profonde de ces alliances, autour notamment de l'outil de répression de la solidarité avec la Palestine, j'ai nommé l'antisémitisme, et ses effets sur la Palestine. Alors d'abord, il faut se rappeler que l'antisémitisme chrétien est aux sources du sionisme. Au fondement de cette alliance, dès la déclaration de Balfour, est en jeu l'antisémitisme européen, qui cherche à débarrasser l'Europe de ses juifs, tout en répondant à l'impératif colonial de redéploiement des puissances européennes après le démantèlement de l'Empire ottoman, tout en posant les bases de la réalisation de la prophétie millénariste évangélique, qui exige pour l'avènement de l'ère messianique le retour de tous les juifs en Terre Sainte. Il y a finalement peu de temps que ce second aspect est mis en évidence, sans doute depuis le déplacement de l'ambassade à Jérusalem, de l'ambassade américaine par Trump, de Tel Aviv à Jérusalem. Trump, lui-même proche des évangéliques, on sait que les évangéliques sont rentrés dans la Maison Blanche avec Trump, répond à une vieille demande de leur part. Bien avant ce déplacement, en 1980 déjà, l'Église évangélique, forte de 80 millions de membres aux États-Unis, le quart de la population américaine, avait ouvert son ambassade à Jérusalem. Voilà ce qu'on trouve sur le site de l'ambassade évangélique. Au cours des dernières décennies, le mouvement évangélique a connu une énorme croissance en Amérique latine, en Afrique, en Asie, où il y a maintenant des dizaines de millions de nouveaux chrétiens qui ont un amour et un zèle remarquables pour Israël et cherchent à se connecter avec l'État juif. Et les gens, à travers l'International Christian Embassy à Jérusalem, aujourd'hui, cette ambassade reste à l'avant-garde du mouvement sioniste chrétien mondial, avec des succursales et des représentants dans plus de 90 pays et des partisans issus de plus de 170 pays à travers le monde. Ça, c'est l'ambassade chrétienne qui l'évangélique. Aujourd'hui, le mouvement évangélique est le courant chrétien qui connaît la croissance la plus rapide dans le monde. Des chrétiens pro-israéliens peuvent être trouvés dans presque toutes les nations du monde. Les estimations atteignent maintenant 700 millions d'évangéliques dans le monde et la plupart ont tendance à avoir une opinion favorable d'Israël. Cela est dû à leur grand respect pour l'autorité et la véracité de la Bible et à leur simple conviction que l'Israël moderne est le même que l'ancien Israël, le peuple élu de Dieu, etc. etc. Pendant des années, la position officielle américaine est restée inchangée. Dans l'attente d'un règlement pacifique du conflit et du partage de Jérusalem entre Israéliens et Palestiniens, l'ambassade américaine reste à Tel Aviv. En campagne, le candidat Trump s'était engagé à reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État et à transférer l'ambassade. Les Juifs américains, à 75% qui votent démocrate, étaient contre. Ils avaient trop peur et ils avaient peur que ça gêne les soi-disant accords de paix. Les Israéliens n'étaient pas pour. Ils avaient peur que ça crée un embrasement en Palestine. Ce sont, disent les Juifs américains démocrates, les Américains qui nous ont, ce sont, disent les Israéliens, pardon, par le biais de Yoram Ettinger, un ancien consul d'Israël au Texas et très proche de Trump, ce sont les Américains qui nous ont imposé cette reconnaissance. Les Américains, mais pas n'importe lesquels, nous indique un article du Monde. Les évangéliques sionistes apparaissent comme les véritables artisans du transfert de l'ambassade et de la reconnaissance de Jérusalem, à commencer par le plus influent d'entre eux, le vice-président Mike Pence, qui a juré devant une foule en délire à Jérusalem, « Ce président se tient à vos côtés, et je vous le promets, le jour viendra où le président Donald Trump transférera l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. La question n'est pas si, mais quand. » Et Pence a tenu parole. Il faut juste rappeler quand même que la prophétie millénariste indique que la plupart des Juifs seront tués dans leur regroupement en Terre Sainte pour permettre l'accession de l'ère messianique. Les deux tiers des Juifs doivent être exterminés et le reste se convertira au christianisme. Dylan Edjar, un chercheur de Columbia, explique, et je devrais dire défriche, dans un livre très intéressant que je vous recommande de lire, « Ces mythes, races, religions, politiques en Occident chrétien », la relation Occident-religion, il explique cette relation, « Le plus important, écrit-il, est donc que le sécularisme est le nom que le christianisme s'est donné quand il a inventé la religion, quand il a nommé son autre ou ses autres religions, à savoir le judaïsme et l'islam. » Et il ajoute, « L'histoire longue du christianisme occidental est marquée par des associations et dissociations paradoxales entre religion et politique, juifs et arabes. Au XIXe siècle pourtant, la religion devient race, la chrétienté laïcité. Le siècle s'achève avec la dissociation entre juifs et arabes, entre judaïsme et islam, et avec la disparition des sémites. Cette histoire oubliée nous permettrait-elle de renouveler notre lecture de ce que furent les méfaits antisémites et de ce que la lutte contre l'antisémitisme pourrait-elle être ? Les sources chrétiennes de l'Occident n'ont jamais cessé de travailler la relation du juif à l'arabe, à la Terre Sainte, à la Palestine. Effectivement, le judéocide, et j'entame là un autre aspect de la question, enfin un autre aspect, je pense que les choses sont liées, l'instrumentalisation des juifs et de l'antisémitisme. Le judéocide au cœur de l'Europe a montré à cette Europe son vrai visage en miroir. Le vote de l'ONU en 1947 n'est-il pas une autre façon, une nouvelle façon de se débarrasser des survivants en se lavant de toute culpabilité ? Dans l'alliance néolibérale qui s'est renforcée avec Israël, les juifs, les anciens asiates, comme on les appelait en Europe, sont blanchis, intégrés à un Occident qui s'étend jusqu'en Israël et instrumentalisé contre les Arabes, exclus ici comme exclus là-bas. L'antisémitisme est devenu le seul baromètre flambeau de l'antiracisme impérial aujourd'hui. Toutes les autres formes de racisme sont relativisées, tolérées à côté de lui. Il est d'ailleurs toujours soigneusement dissocié de toutes ces autres formes. Son assimilation à marche forcée à l'antisionisme par tous nos gouvernements en dit long sur le projet conscient ou non qui la sous-tend. Ne nous invite-t-elle pas à nous, les Juifs européens et états-uniens, que notre place n'est pas ici chez nous ? Il nous renvoie à notre éternelle étrangéité. Cette instrumentalisation des Juifs et de l'antisémitisme offre plusieurs avantages. éteindre toute critique de l'allié israélien et de sa politique, désigner la communauté arabe et musulmane dans son ensemble comme responsable de cet antisémitisme et de l'importation du conflit, créer un clivage au sein du camp antiraciste entre ceux qui refusent l'instrumentalisation et ceux qui la craignent ou la soutiennent, diaboliser les porteurs de l'antiracisme décolonial et politique, et accessoirement mettre les juifs en danger. L'extrémisation du régime israélien n'a plus besoin de se parler d'un masque démocratique aujourd'hui. La nature originelle du régime s'exhibe. Loi État-nation du peuple juif et collusion armée colon pour écraser les territoires occupés ouverts à la conquête. C'est le Far East. On a parlé du Far West quand il s'agissait aux États-Unis d'atteindre l'autre rive, la rive pacifique. Nous, nous sommes malheureusement dans le Far East, jusqu'au Jourdain. Faut-il rappeler qu'Israël n'a jamais voulu déposer un tracé de frontière, quelle qu'elle soit, à l'ONU. Le refus de prendre acte de cette nouvelle situation, nouvelle au sens où elle a empiré, fait partie du système libéral. Il suffit de nier ce qui dérange pour gagner et de l'invisibiliser au regard des opinions, via les médias, pour gagner dans le maintien de l'ordre promis. C'est le cancel Palestine. On a parlé de la cancel culture. Je sens que je suis en train de dépasser tous les timings, donc je vais essayer d'être un peu plus résumé. Il y a 10 minutes, monsieur. Je fais juste à 10 minutes. Ouais, bah alors je suis en retard. Comme on a parlé de la cancel culture, il va falloir cancel, annuler la Palestine. Et pour l'annuler, il faut un levier. On ne pratique pas la cancel culture sans, contre des innocents, du moins en apparence. Il faut donc une culpabilité. C'est le rôle de l'antisémitisme. Alors l'Allemagne s'est révélée très récemment maître en la matière, notamment autour de l'exposition documentale de Kassel, où il y a eu des accusations d'antisémitisme portées à plus ou moins juste titre sur, la fresque indonésienne, mais aussi et dans la foulée, sur tous les artistes palestiniens quasiment présents dans cette exposition, sous prétexte qu'ils étaient en fait des activistes politiques masqués. Et or, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'avant le début de l'expo de Documenta, alors ça a obligé quand même les curateurs de l'exposition qui venaient d'Indonésie a démissionné, l'organisatrice, la présidente de l'exposition a démissionné, et en fait, ça a ostracisé tous les gens du Sud qui étaient mis en valeur dans cette exposition ont été ostracisés avec la critique de l'antisémitisme. Or, en fait, avant même que l'exposition ait commencé, l'exposition ouvrait le 10 juin, le 28 mai, un des lieux de l'exposition a été vandalisé. C'était l'espace qui était destiné à accueillir les travaux d'un collectif palestinien. Et avant même encore, en janvier, l'expo commence en juin, en janvier, Documenta avait été ciblé par un groupe nommé l'Alliance contre l'antisémitisme de Kassel, qui accusait l'événement allemand d'inviter des activistes anti-Israël. Documenta avait également déclaré avoir retrouvé des autocollants islamophobes sur lesquels il était inscrit « La liberté, pas l'islam ». Pas de compromis avec la barbarie, combattre l'islam, ou encore solidarité avec Israël. Mais ça fait longtemps que cette situation se développe en Europe et aux États-Unis. Toute forme de solidarité internationale avec la Palestine est automatiquement suspectée, voire dénoncée, comme une forme déguisée d'antisémitisme. Et c'est ça le cancel Palestine. Alors Nassim Ahmed, qui est un journaliste et éditorialiste, qui intervient dans Middle East Monitor, a expliqué très bien ce que signifiait la cancel culture. Autour d'un événement qui a été l'expulsion d'une jeune étudiante américaine, Nathalie Abdoulawa, de son école, sur dénonciation d'un groupe qui s'appelle Canary Mission aux États-Unis, qui constitue et publie des dossiers sur les militants pro-palestiniens, avec photos, localisations et autres détails. Ces dossiers sont d'ailleurs utilisés par les services de sécurité israéliens pour empêcher des militants ou ces gens d'entrer sur le territoire israélien. En Europe, on a l'équivalent, hein, c'est NGO Monitors, basé à Jérusalem, qui alimente des dossiers et crée des campagnes contre des militants pro-palestiniens. Et Ahmed écrit, et c'est intéressant, « Depuis qu'elle est devenue un terme populaire pour décrire la nouvelle forme d'ostracisme social et culturel, où les individus sont déplatformés, réduits au silence et expulsés des cercles sociaux ou professionnels pour avoir des opinions que certains considèrent comme controversées, la répression de l'activisme pro-palestinien a été commodément négligée. » En d'autres termes, la cancel culture, c'est la culture proche du mouvement woke ou du mouvement MeToo, par exemple, qui consiste à boycotter une personnalité dans l'ensemble des réseaux qu'elle peut avoir, parce qu'elle a tenu, par exemple, des propos ou qu'elle a eu des attitudes sexistes, ou parce qu'elle a tenu des propos racistes ou elle a eu des attitudes racistes. Le problème, c'est que cette cancel culture, elle est appliquée à la Palestine. Et ça fait belle lurette, c'est ce qu'indique le journaliste et les personnes qui le citent, que toute activité pro-palestinienne aux États-Unis est désignée à la cancel culture et que le cancel Palestine s'applique. C'est ainsi que, par exemple, Sahar Aziz, une professeure de droit de l'université Rutgers qui le cite, indique « La personne la plus vulnérable en Amérique en termes de négation totale ou de limitation de ses droits civils est un arabe musulman qui défend les droits des Palestiniens. » Et elle souligne que l'amalgame entre la critique d'Israël et l'antisémitisme est injuste pour la menace réelle et omniprésente de l'antisémitisme au niveau local, national et mondial. Parce qu'effectivement, accessoirement, ça permet de valider une forme d'antisémitisme qui se développe par ailleurs. Alors, de la même manière qu'on a des élites qui pratiquent la cancel culture et la cancel Palestine, par cette espèce de base élitiste, on a par le haut une autre volonté de détruire ou d'annihiler, de faire disparaître la Palestine, qui est la normalisation. Et sur la normalisation, il faut le savoir, et on l'a vu lors de la Coupe du Monde au Qatar, les peuples ne l'entendent pas ainsi. La Coupe du Monde a clairement révélé l'opposition massive des peuples arabes, africains, musulmans, et cette opposition à la normalisation imposée par leurs dirigeants, ainsi que l'opposition de très nombreux supporters de différents pays. Les peuples ne signent pas d'accord. Les accords d'Abraham sont signés par les gouvernants, pas par les peuples. Je vais raccourcir, je suis désolée, je suis vraiment trop longue et j'ai un peu honte. Mais je veux quand même finir. Les accords d'Abraham ont été salués, et c'est ça notre problème, par une grande partie de la communauté internationale. Sven Kopsman, qui est le représentant de l'Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient, explique que cette normalisation devrait se faire conjointement avec le processus de paix au Moyen-Orient, puisque les accords d'Abraham n'ont pas réussi à eux seuls à changer fondamentalement la situation des Palestiniens. Effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils n'ont pas réussi à changer la situation des Palestiniens, mais écoutez bien, la normalisation, c'était en principe le fruit d'un échange. Reconnaissance des droits de tous les Palestiniens par Israël, et en échange de ça, la normalisation des relations avec les pays arabes. Ce que dit le représentant de l'Union européenne, c'est maintenant qu'on va faire du « en même temps » à la Macron. En même temps, on normalise et en même temps, on essaye de développer des négociations de paix. Ce qui est un leurre, évidemment. Et en d'autres termes, ces négociations, évidemment, encore pour l'Union européenne, doivent conduire à deux États. Et là, je renvoie à la chanson du groupe Dame et à sa phrase. On peut remarquer que l'impératif de séparation qui conduit depuis le début toute cette sordide histoire, séparer les populations en deux souverainetés distinctes, reste l'horizon des pouvoirs européens et états-uniens. Un horizon programmé il y a plus de 30 ans à Oslo et qui a donné les résultats que l'on sait. 30 ans de démembrement de la terre et de la société palestinienne sous le regard empathique de l'Occident. aucune mesure de contrainte jamais appliquée contre Israël pendant ces 30 ans, et ce ne sont pas les outils légaux qui manquent, permettent de penser qu'en fait, on a donné une carte blanche à Israël pour poursuivre la destruction de la Palestine. Et on retrouve ici ce paramètre de séparation qui traverse l'histoire. Séparer les Juifs de l'Europe, séparer les Juifs des Arabes en Palestine, la politique de l'apartheid en cours en Israël, séparer les populations en deux États, la séparation, c'est une vision commune de l'Occident et de son allié israélien. La guerre à la Palestine a un sens, celui du démantèlement du droit international, de l'installation de la stratégie occidentale au Moyen-Orient, où Israël tient sa place d'allié privilégié au mépris des droits humains et civiques des populations. Elle participe de la fin des droits des peuples. Le cynisme de ses choix se lit dans les traitements différenciés appliqués toujours au service de stratégies supérieures. Par exemple, au conflit russo-ukrainien. Je saute et j'en arrive à la conclusion parce que j'ai vraiment trop long d'avoir pris trop de temps. Je veux juste de nouveau revenir à, pour nous donner une forme de perspective finalement, à Bilal Hidjar, dont je citais tout à l'heure les paroles, dans sa préface du livre Sémite. Il indique, au-delà d'une histoire positive, dans ses négativités même, qu'est-ce qui empêche de penser ensemble, et parce qu'il le faut, le juif et l'arabe, de combattre ensemble l'antisémitisme et l'islamophobie, et de reconnaître, comme Édouard Saïd l'a si brillamment suggéré, que l'orientalisme, et donc l'islamophobie, ancienne et nouvelle, est tout simplement l'autre face de l'antisémitisme. Et une dernière citation de Bilal Hidjar, où en parlant de son premier ouvrage, Our Place in Al-Andalus, notre place en Andalousie, Hidjar dit dans un interview quelque chose qui me semble important pour nous tous aujourd'hui. Une des choses que je trouve absolument extraordinaire dans la réception de cette histoire, l'histoire de Al-Andalus, surtout telle qu'elle est redéployée ces dernières années, depuis à peu près 1992, c'est-à-dire le 15 centenaire, c'est de parler de l'Espagne médiévale comme d'une exception, alors qu'en fait il s'agissait bien de la règle. En effet, et il parle du monde arabe là, un monde dans lequel juifs, chrétiens et musulmans vivaient et vivent ensemble, au sens strict du terme convivencia, c'était la norme. Et c'est en fait en Europe chrétienne, dans une région du monde géographique minuscule, qu'il s'agit d'une exception. Je vous remercie.